samedi 10 mai, 13h. Bienvenue à l'aérospatiale spéciale Manif d'art. Julie Gagné avec vous pour cette heure consacrée à la Manif d'art, bien entendu. Aujourd'hui, à l'émission, on reçoit Marie-Pierre Lebeau et Pierre Brassard du collectif Acapulco qui présentent deux œuvres, en fait, dans le cadre de la Manif d'art, soit Fêtes d'hiver en collaboration avec Exmuro à la place Jacques-Cartier et Aspiration lourde de l'exposition L'art se trame en ville à maison Amel Bruno. Catherine Boivin est allée faire un tour jeudi au souper 5 services, plat de résistance, donc qui conjugue art et gastronomie. Voilà, j'allais dire nourriture, mais c'est un peu dommage. Elle est allée également à l'œil de poisson et à vue. Aussi, on discute avec Justin A. Langlois au sujet de l'atelier remise à l'échelle de la résistance et aussi Academy of Tactical Resistance. Et puis, ben, on reçoit Martin Bureau. Bonjour, Martin Bureau. Bonjour. Ça va bien? Très bien, merci. Pour la manif, t'as fait l'installation peinture et vidéo Roasted Globalization. Peux-tu nous présenter peut-être de manière générale ce que c'est? Ce que c'est, donc, c'est une installation qui recoupe la peinture et la vidéo. Il y a deux grands tableaux et puis une installation vidéo qui est projetée sur deux capots de pick-up. Donc, c'est tout ça origine d'un tournage au Festival de Saint-Cyprien Toasté, qui est un festival de show boucan en Beauce. L'objectif du festival, c'est de faire des prestations avec sa voiture dans une arène d'asphalte où est-ce qu'on fait des 8 infinis pour faire de la boucane. Et puis, donc, il y a une cinquantaine de participants, etc., etc. Moi, je me suis adjoint à un des participants sur lequel, puis avec sa voiture, on a commandité sa voiture parce que normalement, les voitures sont souvent commanditées par la coiffeuse du coin. Ouais, le dépanneur. Les commanditaires locaux. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a commandité avec des commanditaires globaux, c'est-à-dire tous des grandes banques, les grands financiers du monde, les grandes corporations financière. Donc, comme si, évidemment, c'est un subterfuge. Ouais, il y a aucune banque qui a voulu commanditer le projet. Je me demande bien pourquoi. et puis donc, suite à ça, on a littéralement patché la voiture, vous excuserez l'expression, de ces logos-là. Et puis, on a filmé, on a fait un tournage avec ça. Donc, on voit la voiture qui fait des 8, qui fait de la boucane, etc. Tout ça est projeté sur les capots de voiture. À ça est adjoint deux grands tableaux de la planète, donc une vue de l'Amérique et une vue de l'Asie. Et puis toutes les agglomérations urbaines sont percées. Le tableau est fait sur bois. Et toutes les agglomérations urbaines sont percées et puis brûlées. Donc, comme s'il y avait un rappel entre le fait de brûler des pneus et puis toutes ces urbanités-là qui étaient brûlées. Donc, c'est la vision macro et micro de la globalisation rôtie, finalement. Moi, j'ai trouvé ça fascinant, en fait. D'abord, je dois féliciter, je sais pas qui, mais pour l'éclairage, en fait, des deux tableaux, là, c'est assez incroyable, là, la limite de flou qu'il y a autour. Là, on a vraiment, j'ai eu l'impression de voir la Terre vue de l'espace, puis un portrait désolant, en fait, de la Terre vue de l'espace. Est-ce que c'est un peu ta volonté? Oui, tout à fait. L'idée, c'était les tableaux, comme c'était des vues, j'ai oublié de dire peut-être que les tableaux sont ronds, donc c'est des tondos d'environ 7 pieds de haut. Effectivement, sont dans le noir, ils sont pas collés au mur non plus, sont distanciés. Ouais. L'idée, c'est vraiment ça, c'est de faire flotter les tableaux comme si c'était une planète dans l'espace. Et puis l'éclairage est un éclairage théâtral visant à scénographier la scène. C'est ce que je voulais au départ, c'est que je voulais pas faire un accrochage typique dans la mesure d'une galerie ou d'un musée. Je voulais vraiment que tout ça soit théâtralisé. Donc, ouais. Et puis donc la correspondance entre la vidéo et la peinture vient alimenter toute cette théâtralité-là. Mais ça fonctionne bien aussi parce qu'on a l'impression comme ça apparaît, tu sais, du néant, justement. Là, j'avais vraiment... Je trouvais qu'il y avait un aspect même 3D à cet éclairage-là. Voyons, où est-ce que je voulais en venir avec ça? Oui, tantôt, tu parlais, je disais complètement, tu parlais des 8 puis de l'infini, de Saint-Cyprien Toasté, des shows de boucan. Moi, j'ai vu vraiment un symbole, là, tu sais, comme on tourne en rond à l'infini. J'imagine que c'est inclus aussi dans ta réflexion. Oui, effectivement, mais tout ça se tient dans la mesure que ce show boucan-là est une métaphore d'un tournage à vide. Et puis, éventuellement, d'une absurdité, c'est l'envers de la résistance aussi. Moi, j'ai abordé le projet comme étant de manière absurde, une exultation, un abandon, un relâchement face à cette idée-là de résistance, comme si réellement le Forum économique de Davos ou la Banque mondiale allaient financer un Shubukan. C'est comme l'absurdité totale. C'est comme si on avait abandonné de résister, on avait abandonné la résistance. Puis on se vautrait même dans cette anti-résistance-là, oui. Puis on s'y conforte également. Exactement, oui, c'est le bon terme, se vautrer, c'est la grande bouffe version gaz. C'est ça. qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser justement au show de Boucan? Parce que, tu sais, bon, on voit la force qui émerge de ces shows-là comme symbole, mais c'était quelque chose que tu avais déjà vu, tu sais, t'en as déjà vu dans ta vie? Moi, je suis originaire de Saint-Félicien. J'ai grandi, donc, à Saint-Félicien, l'autodrome de Saint-Félicien. Donc, j'ai grandi dans cet univers-là. Comme réalisateur, dans une vie passée, j'ai tourné plusieurs vidéoclips. Comme réalisateur de vidéoclips, j'ai déjà tourné à l'autodrome de Saint-Félicien. J'ai déjà tourné les tirs de tracteurs aussi en... près de Trois-Rivières. Donc, c'est un univers qui me fascine parce que je pense que c'est tellement... c'est un univers qui est grandiose, dans lequel les gens se donnent, ils brûlent du gaz, ils mettent du temps. C'est fascinant de voir comment est-ce qu'il y a une préparation immense derrière ça pour en arriver au jour J, où est-ce que là tout explose, les moteurs explosent, ça brûle, les pneus éclatent. Je trouve ça fascinant, puis en même temps, pour moi, c'est une métaphore de finitude, c'est une métaphore d'entropie, c'est une métaphore de système qui déraille. Et puis c'est vraiment tout ça qui me fascine là-dedans. Tout autant que je respecte les gens, évidemment, je suis pas là pour regarder ça de haut du tout. Comme je disais tout à l'heure, j'ai grandi dans cet univers-là. C'est-à-dire que je l'ai côtoyé, j'ai pas vraiment fait ça, à part des courses de tacos, là. Ouais. Mais donc c'est pas fini pour moi de me coltailler à cet univers-là, parce qu'il y a encore plein d'images qui émergent quant à une correspondance du monde dans lequel on vit face à partir de ces événements-là. Pour moi, c'est tellement un miroir d'autre chose, en fait. Puis, j'ai trouvé intéressant, on t'a dit, t'as fait ça sur des capots de pick-up, mais t'as ralenti beaucoup, beaucoup les images. Puis ça, c'est comme, on a l'impression d'une image justement au ralenti d'un drame annoncé ou d'une catastrophe annoncée, en fait. Oui, ben c'est tout ça a été tourné avec une caméra qui filme au ralenti, en fait. Donc le ralenti est très très fluide, très très précis. On voit plus de choses dans le ralenti, dans l'image ralentie. On voit plus de choses qu'on en voit dans la réalité même quand on le vit. Ouais. En fait, l'idée c'était de sublimer le réel puis d'en faire un événement comme une icône. Et puis à ça, vous aurez entendu aussi les chants grégoriens. Oui, la conception sonore, en fait, d'Éric Dorion. Oui. Donc, c'est un chant de déification. Donc, c'est un hommage à Dieu, finalement. Et puis donc, tout ça concourt à converger sur l'ironie, finalement, du spectacle du show boucan. Donc, les capots, les voitures, la boucane, les bruits de pneus, les chants grégoriens, les cloches d'église, tout ça concourt, comme je disais, à magnifier l'absurdité de tout ça. Oui, c'est ça, puis ça y donne une dimension sacrée quand, dans le fond, je veux dire, ce qu'on voit, c'est des images de Saint-Cyprien toasté, ouais. Là, donc... C'est une dimension sacrée de quelque chose qui est vraiment tout le contraire, ouais. Finalement. Puis à la limite, très, très profane. Oui, exactement. T'as confié justement la conception sonore à Éric Dorion. Est-ce que, bon, c'est pas la première fois là, que tu collabores avec lui. Je pense qu'il y avait la Kyrielle des chiens, entre autres, avec Jean-François Dugas, qui collabore aussi, à Roasted Globalization. Tu lui as laissé la carte blanche à Éric Dorion? Tu lui as dit, fais ce que tu veux, ou tu avais déjà une idée? Ben, j'avais déjà pas mal l'idée là, des sources, à savoir les chants grégoriens, les bruits de pneus. Éric Assa a rajouté des bruits d'église pour rajouter une couche de sacré dans tout ça. Ce que j'ai surtout demandé à Éric, c'est de spatialiser le son. Okay. Pour faire une quadraphonie, pour faire en sorte que le son tourne dans l'espace, ouais. Comme les voitures sur l'écran. Comme s'ils tournaient autour de nous, finalement. Comme s'ils tournaient autour de là. Nous. Oui, c'est ça. Et tu parles, bon, je reviens justement aux écrans. Donc, d'un côté, on voit la voiture avec les logos. On a même, à un moment donné, un moment fort où on voit comme le conducteur, en fait, qui sourit, mais vraiment au ralenti. En tout cas, je tenais à parler de cet effet-là. Mais de l'autre côté, on voit la foule. Parce que je ne sais pas si on la voit là, comme tout le long. Je pense qu'à un moment donné, il y a tellement de boucanes qu'on voit juste la boucane. Mais je trouve qu'il y a quelque chose de particulier dans cette espèce de complicité tacite, en fait, de la foule qui est assise, puis qui regarde ça, mais qui laisse faire ça, qui participe pas, mais qui l'encourage. Effectivement, c'est fascinant de voir qu'il peut y avoir dans un après-midi 2 000-3 000 personnes qui vont s'asseoir là, qui vont boire de la bod, qui vont 2 000-3 000 personnes? Oui, oui, oui. Ah oui, parce que là, on voit juste un petit... Une petite estrade, oui, c'est énorme quand même. C'est le moment rassembleur dans le village. Ce qui est drôle aussi, c'est que ce festival-là origine d'une... Ils ont comme colmaté des événements qui avaient lieu naturellement. C'est que les gens, ils se mettaient en bourse. C'est comme... Je sais pas si on est dans l'Amérique profonde, dans cette idée-là de l'Amérique profonde. Les gens, ils en faisaient des shows boucanes naturellement. À un moment donné, la municipalité, ils ont dit, bon, on va officialiser l'affaire. Puis parce que sinon, ça se passait dans les rues, dans les avoisinants, dans le village même. Puis c'était devenu dangereux, là. Donc, c'est assez drôle de voir comment est-ce qu'une tradition vernaculaire de la sorte puisse être officialisé dans un show boucan réel, dans un événement qui devient un festival. Le soir, il y a des spectacles. Autour de ça, il y a toute une organisation, etc. Donc, c'est... Je trouve ça drôle parce que, tu sais, bon, il y a des chants grégoriens, des sons d'église. On parle du caractère sacré de la chose. Je peux pas m'empêcher de penser aux fêtes païennes, par exemple, qui ont été reprises par l'Église catholique. Bon, c'est peut-être un parallèle un peu boiteux, mais je trouve que le lien est intéressant à faire. Les images, tu as choisi, justement, on parlait des capots tantôt, mais il y a quand même ils sont peints en blanc, mais on voit quand même des traces hein, de vécu, là, si on peut parler de vécu, des égratignures. Je trouve ça intéressant parce que ça vient comme un peu maganer l'image, de mettre des cicatrices ou quelque chose comme ça. Ben oui, j'ai délibérément pas nettoyé les capots, ils sont graffinés, ils sont sales. Il arrive de la cour à scrap. Et puis, pour moi, l'écran devait faire partie de l'œuvre. Au départ, j'avais l'idée de projeter les images sur une voiture compressée pour finalement changer d'idée parce que tous les interstices de la voiture compressée auraient détruit la lecture de l'image. Même si conceptuellement, sur papier, ça avait l'air intéressant. Mais on a tellement mis d'énergie sur le tournage que je voulais quand même que l'écran soit vraiment clair, et puis qu'on ait en même temps la référence à la voiture. Donc, le capot est venu d'office s'imposer comme l'écran type, l'écran parfait pour le projet. Oui, puis on voit la forme, mais tu sais, pas au point justement de déformer l'image. Non. C'est une installation vidéo et peinture. T'en avais fait il y a 10 ans de ça, hein, l'installation vidéo peinture. C'était la lenteur du geste, étirer le temps avant que ça sorte. Puis même pour la manif d'art 2, se courir après là, où là, c'était la vidéo qui projetait sur la peinture. Là, tu les as séparés. J'ai l'impression c'est une question vraiment longue, d'un retour aux sources d'une certaine manière. Ben, d'abord, tout d'abord, bravo pour la documentation, la mémoire, c'est super. La mémoire, la documentation, aidant aussi beaucoup ton site Internet, disons-le. Oui, c'est ça. Donc, oui, j'avais, lors de la manif 2 qui était sur le thème bonheur et simulacre, j'avais projeté de la vidéo sur de la peinture, donc, et puis les deux venaient se rejoindre dans l'image. Et puis, bon, j'ai poursuivi depuis ce temps-là toujours à faire... Les deux en parallèle, tout ça. Et j'ai réalisé 2 documentaires, continué à faire des installations vidéo. Mais là, l'idée de projeter la peinture, la vidéo sur la peinture est devenue plus problématique pour moi parce que je me suis aperçu que ces projets-là, que tu as mentionné, que la vidéo venait bouffer la peinture, réellement. Et parce que la lumière du canon vidéo est une lumière pixelisée, donc cette pixel-là vient vraiment jeter un froid sur la matière picturale. Je suis content d'avoir réalisé ces projets-là, qui originent d'idées un peu farfelues. Mais par la suite, je me suis dit, bon, je pense que je veux continuer à faire cohabiter les deux médiums, mais je pense que un à côté de l'autre est plus efficace qu'un sur l'autre. Oui, effectivement, je comprends l'idée. Ben, Martin Bureau, c'est déjà tout pour cette entrevue. Merci beaucoup. Merci à vous. J'ai la mauvaise page. Roasted Globalization est présenté ici à l'espace 400e, donc jusqu'à la fin de la manif, c'est le 3 juin. Donc, on a le temps de venir le faire. Je vous propose de faire le parcours qui est proposé, donc de commencer par l'ascenseur et tout ça. Donc, merci Martin Bureau. Je me tourne vers Simon Roy, qui vient tout juste d'arriver avec nous. Non, c'est pas vrai, il est là depuis le début. Bonjour Simon. Bonjour. Qu'est-ce qu'on écoute aujourd'hui? On écoute un truc, encore une fois, comme la semaine passée, c'est des artistes qui vont être à l'événement Guérilla, uni par le bruit, donc du commissaire Éric Dorion. L'artiste, c'est un Japonais qui demeure en France, c'est Saijiro Murayama. C'est sa pièce intitulée AJE, c'est sur son album Solo. Ça a l'air vraiment spécial. Il utilise seulement le snare d'un drum pour faire ses trucs, mais comme on l'a jamais entendu, donc manipule toutes sortes d'objets, des frottements, je crois qu'il y a des archets aussi. C'est un drone assez hypnotisant. C'est vraiment spécial de qu'est-ce qu'il a réussi à faire avec un instrument qui à la base semble vraiment simple. Donc c'est ça, il fait toutes sortes de trucs, est compositeur pour la danse, le théâtre, performance. Donc c'est ça, vraiment intéressant, c'est sur l'étiquette Zéro Jardin, puis ça va être le 31 mai au Cercle. Voilà, donc on en écoute un extrait. De retour à l'aérospatiale spéciale Manif d'art dans quelques instants. En fait, j'accueille Raymond Poirier. Bonjour. Bonjour, Julie. Raymond, tu es là pour faire une partie de notre job parce qu'on reçoit Justin A. Langlois. Hi. Je suis pas assez bonne en anglais pour faire une entrevue. Je vais rire de moi-même. Donc, j'ai préparé l'entrevue et je t'ai demandé de la faire à ma place pour que ce soit plus fluide. Et en fait, pour situer un peu les gens, quand on arrive ici dans l'espace 400e, on voit donc cette installation-là qui est complètement au fond, autour duquel bon, on découvre des photos, des images, des slogans liés justement à la résistance, un peu dans un objectif, on a l'impression, d'éducation, d'accompagnement. Justin A. Langlois, this installation that you give here at Manif d'art, it's a bit with the goal of teaching, of accompanying people through acts of small resistance. So what led you to this idea? Yeah, that's a great question, because I have always felt that the way we encounter resistance is through really big and spectacular, kind of moments of being together in public space. And what I thought is that how I experience resistance is much more on an everyday and small scale. So I wanted to explore how that looks like, you know, for other people as well. So the installation tries to create a space that we can start to talk about that. Yeah, get people to act upon these ideas that we have about questioning the way things are, the way things are done, our society. So empower ourselves to do these small hacks. That's right. And that empowerment is like a form of agency, right? So it's like when we can become more confident in our ability to act in the world and not wait to be invited to act, I think it's really important to kind of cultivate that in ourselves. Yeah, I think people are shy at times to do actually that. I don't know why, but they seem at times to be shy. Yeah, well, and so I think that for me, the installation tries to kind of walk the viewer through, where we normally access resistance through videos that show like clips from riots and protests around the world, and then it moves through these more creative gestures or interventions and tries to reframe those images of people with protest signs, for example, or megaphones. And tries to suggest that maybe that's a protest, or maybe it's a negotiation, or maybe it's a handshake, or maybe it's a tug of war, and you know, these things that are more common experiences rather than big riots or acts of exceptional resistance. Alors, en fait, Justin à l'anglais me dit que c'est un peu l'objectif de faire des mises de l'avant de des actes de petite résistance. En fait, ce qu'on risque d'être de retrouver peut-être au quotidien, ce qu'on risque d'être en mesure peut-être plus facilement aussi de faire au quotidien. Et c'est avec justement ces gestes-là que peut-être justement on en arrive à faire une résistance peut-être un peu plus large. Donc l'idée de ne pas nécessairement avoir peur d'accomplir ces gestes-là, de se donner l'opportunité de le faire. Et à travers l'installation, ben il y a les images nous amène à se questionner aussi même sur l'expérience à l'intérieur de la résistance, sur le geste quand on décontextualise peut-être un peu aussi certaines images, certaines photos. Est-ce que c'est une poignée de main? Est-ce que c'est... quel genre de moment exactement c'est? Donc, quand on le sort un peu aussi de ça, donc ça questionne un peu notre relation peut-être aussi même avec l'idée de résistance, avec le travail qu'on peut en faire. It questions a bit our idea of resistance, of what is resistance and of what we can do to resist. Mm-hmm. Yeah, exactly. And what happens is that we begin to think about where creativity can play a role in that. And so there are, for example, in the installation, there are some protest signs that are actually mirrors, which is a really interesting tool to use in public space, because you realize that whatever you're pointing it towards is starting to create a dialogue between what you're kind of wanting to act against or support, maybe. Or the balloons, these helium black balloons, are kind of somber in color, but they're maybe really a great device for hiding a security camera or for sending a secret message. You know, this kind of like playful idea of where resistance can work. And actually, the color scheme of the installation is somber. Actually, it's mm-hmm. gold, wood, and black and white. So why did you decide to go with these kind of textures? Yeah, it's a good question, and I think there's a couple of things. So, I mean, to me, the colors of resistance are always very much tied to red and black, I think. But I was interested in, the idea of the black bloc as a kind of very particular type of resistance, but it's an aggressiveness that is interesting to me, because perhaps it's rather than being really dangerous in a group setting, if we think about that kind of that form of activism or antagonism at a much more everyday level, it's maybe more productive. And and along with that, I think the black is a very punchy color. It's Alors en fait, il y a des objets à travers justement l'installation des panneaux de protestation en forme de miroir qui nous force peut-être un dialogue, qui nous force à questionner ce envers quoi on résiste aussi. Des ballons, des objets comme ça de quotidien, mais qui donnent des idées justement d'utilisation qu'on peut faire, qu'on peut détourner, comme par exemple des ballons qui peuvent permettre de cacher des caméras vidéo, des choses comme ça pour agir comme résistant. Tout ça à l'intérieur d'un schéma de couleurs qui est sombre, qui est noir, mais aussi qui est du bois, du doré. Donc l'idée du noir, évidemment, qui est liée aussi à la résistance, des couleurs qui sont quand même assez punchées, évidemment, qu'on retrouve aussi souvent dans les manifestations, mais aussi d'autres éléments de couleurs pour simplement nous amener à se questionner, peut-être toujours en fait se questionner dans notre rapport avec justement cette idée-là, avec la notion de résistance. And with this exhibit, with this installation, there's also workshops. There's one today, there's one tomorrow. Il y a deux ateliers qui sont organisés. Il y en a un aujourd'hui à 14h, donc ce samedi. Il y en a un dimanche également à 14h. What is the idea behind these workshops? The workshops are meant to bring people together around these ideas of small-scale resistance. And so they begin with a kind of playful interview series. We have these booklets with questions that are going to be kind of challenging you to think around very specific terms like resistance, like power, like control. And the questions are very short, but it's hard to, for example, try and define control because you realize that maybe you are engaging in forms of control with other people. So it moves from that into an opportunity to collectively write a bit of a communique or a manifesto around what everyday or small-scale resistance looks like. And what do you hope for people to who participate in these activities to be conscious of what they could resist, of what they want to change in their everyday life? Yeah, exactly. And as I've spoken to people over the course of the week, it's become clear that a lot of people recognize forms of resistance in their everyday life, whether it's gardening rather than buying produce, whether it's deciding to have children in a world that's like really maybe a challenge to do. This workshop is about bringing out those experiences and sharing them and building some solidarity. Alors, les ateliers visent un peu à créer de la solidarité, à nous amener à prendre conscience aussi que certains des choix qu'on fait sont des actes de résistance et on peut avoir tendance peut-être à oublier cet aspect-là. Et parallèlement, ben, en fait, les gens qui vont participer aux ateliers aujourd'hui et demain, eh ben, il va y avoir d'abord des entrevues, donc on va amener à définir des termes, à porter un regard sur des termes comme contrôle, par exemple. Qu'est-ce que c'est vraiment réaliser? Peut-être qu'on en fait aussi également. Et ensuite, ben, une mise en commun aussi et d'idées de réflexion, donc pour créer une certaine solidarité autour de ça, d'une installation donc qui s'appelle the Academy of Tactical Resistance. And Justin Alanglois, even if the installation is an educational zone, I guess the word academy seems to be kind of ironic, kind of contradictory. Exactly. Yeah, that's right. And because I think school is often a site of discipline rather than exploration, and so this is kind of the idea is that maybe an academy actually needs a teacher who doesn't know a lot and needs to learn from students, right? So yeah. This is the thing. And actually, the way teaching is at its base, at its core, it's exchange and learning through exchange to dialogue. Absolutely. Yeah. Yeah. So we invite people to go see this and to participate in these workshops. Justin A. Langlois, thank you very much. Merci. Alors, en fait, donc le terme, l'activité s'appelle the Academy of Tactical Resistance. L'idée, évidemment, c'est le côté un peu ironique aussi du terme académie qui nous renvoie un peu à l'idée d'éducation. Éducation qui est peut-être un peu plus cadrée, contrôlée, justement. Et l'idée, c'est de sortir un peu de ça et de revenir à la base, à l'essence même de l'éducation qui est l'apprentissage à travers le dialogue, à travers l'échange. Alors, c'est ce qu'on invite les gens à découvrir. Donc, je rappelle, ça s'appelle The Academy of Tactical Resistance, ici à l'espace 400e, dans l'espace Manif d'Art. Alors, ben voilà, on part en pause et on revient tout de suite après, toujours ici, à l'encadre de cette émission spéciale sur la Manif d'Art de l'aérospatiale. Un spectacle unique en son genre, de l'improvisation théâtrale avec un allié de taille, le dessin. C'est l'impro BD. C'est l'impro BD. À la Ligue québécoise d'impro BD, auteurs de bandes dessinées et comédiens s'unissent pour offrir une soirée haute en couleurs. Lundi 12 mai 20h au Cercle, 228 rue Saint-Joseph-Est, finale de la saison 2013-2014. Initié par le Festival de la bande dessinée francophone de Québec, les soirées de la Ligue québécoise d'impro BD sont présentées en partenariat avec le Cercle et CKRL. Un événement hors du commun. Les productions Limoilou en vrac et Première Ovation Musique vous présentent l'événement Rendez-vous musical première édition. Du 30 avril au 28 mai, tous les mercredis, deux groupes de la relève prendront d'assaut la scène du Bal du Lézard. Le 30 avril, DeLorean et Odile Dupont. Le 7 mai, Macédoine et Generator. Le 14 mai, Tous Azimuts et Arfan. Le 21 mai, Schizophonique et chez Orny on Wine. Et le 28 mai, La Chose et Transmission. Rendez-vous musical du 30 avril au 28 mai au Bal du Lézard. Entrée 5$ incluant une surprise boréale. Une collaboration de Boréal, la Caisse de Limoilou, le Bal du Lézard et Première Ovation Musique. Dans le cadre du Festival international de musique actuelle de Victoriaville du 15 au 18 mai 2014, CKRL est fier de co-présenter avec Voir Québec le concert The Gravity Band de Fred Frith en première canadienne le dimanche 18 mai à 22h. Venez clore les célébrations du 30e FIMAV avec la musique entraînante et festive de Fred Frith et de ses 11 musiciens. Informations et billetterie sur le site fimav.qc.ca. Le 30e FIMAV, une édition historique. Hacking de vélo, comédie musicale russe, show de boucan, épidémie de rire, marché du zombie, le steak de Falardeau. Voyez ces activités et bien d'autres lors de la Manif d'art 7 du 3 mai au 1er juin. Ça commence à l'espace 400e Bell dans le Vieux-Port. Embarque dans la Manif d'art. En partenariat avec la CSN, avec la collaboration de Radio-Canada Québec et du RTC. Chaque lundi, 18h30, Maison thaïlandaise est heureuse de commanditer l'émission Les bouquins d'abord, animée par Barbel Rink. Du livre papier au livre numérique, Les bouquins d'abord, c'est pour les bibliophiles enthousiastes en vous. Maison thaïlandaise, une cuisine savoureuse et variée, dont l'art culinaire se caractérise par son raffinement dans le choix des épices et condiments. Trois adresses pour vous accueillir. Au 3, boulevard René-Lévesque Est, à Québec, coin de Salaberry. 4307 rue Saint-Félix, dans le Vieux-Cap-Rouge. Et au 3742 avenue des Églises, à Charny. Informations et commandes en ligne sur maisonthaïlandaise.com. Manif d'art 7, en collaboration avec CKRL, vous présente l'aérospatiale en direct de l'espace 400e Bell. On est de retour à l'aérospatiale spéciale Manif d'art. Julie Gagné, toujours avec vous. On entame la deuxième demi-heure de cette émission consacrée à cette biennale majeure de l'art actuel au Québec et au Canada. Si jamais vous avez manqué des petits bouts, que vous voulez plus d'informations ou vous voulez réécouter l'émission dans son intégralité, vous allez sur le site l'aérospatiale.wordpress.com. Vous pouvez également nous suivre sur Facebook. Tout y est, les liens pour les sélections audio, etc. Bref, j'en passe beaucoup de contenu. Je me tourne à l'instant vers Catherine Boivin. Bonjour. Bonjour. Catherine, t'es allée voir plein de choses, en fait, à la manif. Donc, tu vas nous faire un petit topo un peu là, sur différentes choses, dont Plat de résistance, qui était au tiers-temps jeudi dernier. Exactement. Il y a eu, c'est une première, donc une collaboration entre un sculpteur qui expose ses œuvres dans le restaurant qui s'appelle le Tiers-Temps, qu'on retrouve dans le complexe Méduse. Et pour aller au-delà de simplement une exposition, il y a toute une relation qui va s'établir entre le cuisinier et le sculpteur. Là, pour proposer, jeudi, c'était un souper 5 services, vraiment dans le cadre de cette collaboration-là. Et tout au long de la manif, on peut donc aller voir l'exposition de Guillaume Tardy, voir les sculptures qui sont vraiment installées dans le restaurant. Et il y a toujours au menu un plat qui est en lien avec le menu 5 services. C'était une comme fois... l'événement. C'était un événement jeudi. J'ai eu la chance justement de rencontrer le sculpteur là qui venait juste de terminer son installation. C'était le vernissage. Et donc, Guillaume Tardy m'expliquait que c'était vraiment une collaboration, vraiment un échange qui s'est produit avant. Il y a eu plusieurs rencontres entre le chef, Éric Melbaris, et lui-même, donc, pour essayer de comprendre l'univers de l'un de l'autre, voir quelles étaient les contraintes d'un chef qui, c'est pas juste formel, et donc il y a toutes sortes de contraintes, bien sûr, puisque lui doit servir plusieurs assiettes, il faut que ça soit chaud, il faut bien sûr que ce soit beau et bon. Ben oui, puis les contraintes aussi de faire des plats en lien avec les arts visuels, là, c'est pas anodin. Exactement, donc c'était pas simplement Guillaume qui a proposé des images de ses sculptures et le chef qui a travaillé, mais ils ont vraiment fonctionné par un échange. Alors, de là à dire exactement qui inspire quoi, c'est plus ou moins facile, là, parce que c'est vraiment intégré, mélangé. C'est une exposition qui est ludique, qui est colorée, qui est surprenante aussi par son accrochage, puisque les pièces sont parfois suspendues au plafond, comme une sorte de mobile. Parfois, on va en retrouver au sol, il y a une boule au sol, il va en avoir sur un coin de comptoir. Enfin, comme je disais, dans des couleurs très, très vives, très flash, on a des oranges, des fuchsias, du vert. Puis, bien sûr, on va retrouver tout cet échange-là dans les assiettes qui nous ont été servies là, lors de ce souper 5 services. Je dirais que enfin, moi, j'ai trouvé vraiment cette idée de collaboration, vraiment, comme je disais, c'est une première, c'est assez... c'était très surprenant et ludique, je dirais, ouais. Même, là, au-delà de gastronomie. Je veux pas non plus m'éterniser sur le repas, puisqu'il se reproduira pas essentiellement. Toutefois, je veux insister sur le fait des sculptures, d'aller voir ces sculptures. Puis l'originalité de la démarche, là, je veux dire, moi, j'avais jamais entendu parler de quelque chose comme ça, là. Non, exactement. C'est ce qui m'a attiré au premier abord. On sait que l'art culinaire, c'est quelque chose qui a la cote en ce moment. Enfin, on fait des émissions sur les chefs et tout ça. Mais de là à mélanger aussi intimement l'art actuel et les arts culinaires, là, donc oui, c'est tout à fait c'est en soi peut-être un acte de résistance, là, non conformiste en tout cas. Ouais. Tout à fait. Et puis peut-être juste revenir un peu. Sur les couleurs, parce que pas les couleurs et les sculptures essentiellement, vraiment dans des matériaux bruts, on dirait du bois, de la mousse qui expansionne, le ouais. Coloré. Alors il y en a parfois, tu le regardes au plafond, tu te dis, mais est-ce un radis céleste, ou on est dans des formes de géométriques, parfois des sphères, parfois des polygones, mais aussi des choses très organiques, où là on peut penser à des formes biologiques, là, essentiellement, qui vont se déployer. Je dirais même vivement les couleurs, parce que sinon, ça peut être un peu inquiétant, ces formes-là, où on pourrait se sentir, bon, d'où ça vient. Mm-hmm. Puis de fait que ça pousse sur le coin d'un comptoir, comme ça, ou au sol, on pourrait évoquer des moisissures, là, mais il ne faut pas nécessairement aller là. Elles ne sont pas vertes, elles sont oranges, et elles sont ludiques, elles sont amusantes. Donc, recommandes d'aller faire un tour. Absolument, oui, parce qu'elles sont appétissantes, ces sculptures, et justement, avec ce qu'on avait dans nos assiettes aussi, là. Alors, peut-être vous dire, le menu, c'est une côte de bœuf, qui est le plat de résistance qui sera servi tout au long de la manif d'art. Okay. Et servi justement avec des grandes lanières de betteraves, donc pour aller chercher les couleurs et les formes aussi qui reviennent, des petites tomates cerises là, pour aller chercher les sphères. Alors, donc c'est vraiment une collaboration arts visuels, arts culinaires. Voilà, collaboration heureuse. Oui, tout à fait. Tu es allée faire un tour également à l'œil de poisson? Oui. Alors là, une pièce quand même assez étonnante par au thème de la résistance. Alors, on parle de Marc-Antoine Côté qui nous propose une sculpture. Encore une fois, on est dans la sculpture. Elle n'a pas de nom. Et le titre de sa création, qui consiste en une très grande sphère, en fait là, une forme, je dirais plutôt ronde, mais qui n'est pas la sphère parfaite, en métal soudé. C'est une pièce surdimensionnée qu'on a installée dans la grande galerie et qui est encadrée par des murs noirs. On a un peu l'impression là, d'une pièce dans son écrin, ouais, là, ouais, ici, ouais. Qui est plus grande que nature, que nature, vraiment plus grande que l'être humain, qui est vraiment imposante par sa seule présence, là, vraiment. Et on nous dit justement que l'acte de résistance est dans l'objet même. On a un objet sans signe, sans symbole. On n'est pas dans une résistance avec un propos extrêmement construit, mais c'est davantage par la présence, la résistance de l'objet dans l'espace. La résistance aussi, de la résistance au discours, la résistance au concept, peut-être. Forcément, oui, tout à fait. C'est assez... c'est même indiqué comme tel. Et puis, en fait, ce que l'artiste nous propose, c'est un dialogue entre, finalement, cette pièce qui nous interpelle, qui nous séduit, on a envie de la toucher. On nous disait récemment qu'il y avait une classe de maternelle où on avait vraiment tout... C'est dur de résister, de pas toucher, parce que c'est attrayant. Il y a tout le travail qui est très, très apparent. Comme je vous disais, c'est des petites lattes, une infinité de lattes soudées dont la suture est très, très apparente. Ça crée une texture, mais en même temps, on voit aussi le geste, on voit la démesure de ce travail, les heures de travail. Donc, en soi, la création de cet objet-là, cet objet de contemplation, l'objet qui occupe l'espace, devient une résistance en soi dans un, moi, je trouve, dans notre époque de performance à tout prix, ouais, où il faut qu'on ait des résultats. Alors, une façon de détourner finalement peut-être le thème de la résistance, c'est d'aller proposer un objet plastique, esthétique, pur. Là. C'est intéressant, ça fait une pause aussi à tous ces discours aussi de résistance dans le cadre de cette thématique. Bien voilà, Catherine Boivin, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Donc, on s'en va en pause audio. Simon Roy, qu'est-ce qu'on écoute? Cette fois-ci, c'est Christophe Maigon, l'artiste de Toronto. C'est sa pièce Hit Parade, Sous les pavés, la plage. Donc, Christophe, il travaille avec des micros. Un peu un cauchemar de technicien, massacre des micros. Où il s'en sert aussi comme déclencheur, donc pour un enregistreur bobine. Donc, il travaille beaucoup, un travail centré sur le micro. Qu'est-ce que j'allais te dire? Ben c'est ça, ça va être le 30 mai au Cercle. Moi, j'ai vraiment hâte de voir ça. Je pense que ça va être une performance vraiment intéressante. C'est dans le cadre de l'événement Guérilla, uni par le bruit, du 28 au 31 mai. Ça va être ça, le 30 mai au Cercle. On est de retour à l'aérospatiale. Voilà, j'accueille à l'instant Marie-Pierre Lebeau. Bonjour. Pierre Brassard, bonjour. Bonjour. Donc, à vous deux, habituellement, vous formez le collectif Pierre et Marie, mais vous êtes membre aussi du collectif Acapulco avec Vincent Hinz, hein, qui ne pouvait pas être là aujourd'hui. Acapulco, ça faisait longtemps qu'on avait vu de quoi de vous. Et là, paf, deux expos, deux manifestations dans le cadre de la Manif d'art. On revient en force. Oui, oui. On a pris une petite pause. En fait, c'est un peu la distance qui a imposé ça. Là. On n'habite pas la même ville. Mais oui, on est bien content de se relancer dans l'aventure avec Vincent. Bon, il y a deux projets. On va parler des deux. J'ai envie qu'on passe... on va aller tout de suite à la maison Amel Bruno dans le cadre de l'art se trame en ville. Vous présentez Aspiration, entre parenthèses, Lourdes. Donc, c'est une installation, en fait, peut-être que vous me la présentez, voilà, la présenter à nos auditeurs. Oui, en fait, un peu dans le thème de l'exposition, on a décidé de travailler avec un élément du chantier de construction qui fait partie de nos préoccupations générales, des trucs reliés à l'urbanité, puis bon, tout ça. Donc, on a utilisé une bétonnière de chantier qu'on a disposée dans la salle, puis la cuve de la bétonnière est comme penchée vers le bas, puis il y a du béton qui se déverse, puis là, on a comme donné un petit côté un peu anthropomorphique, là, un peu... comme si la bétonnière voulait se couler une dalle de béton ou un monument, là, c'est un peu ambigu. Puis, mais en même temps, en déversant le béton, elle s'enlise dedans, donc elle est comme coincée là. C'est un peu, on voulait jouer un peu sur une image de autoproclamation, autodestruction. Tu sais pas trop c'est quoi la finalité de tout ça, comme si elle aspirait à devenir, à s'élever au rang de monument. Puis de là, le lien avec l'autre œuvre qu'on présente aussi. Mais c'est ça, en même temps... Parlais, Marie-Pierre, d'autoproclamation. Sur le mur, mm-hmm. On a des pouces hein, en béton, comme les j'aime sur Facebook. J'imagine le lien est là aussi. Donc, tout le rapport aux réseaux sociaux aussi qui est fort. Mm-hmm. Oui, Ben, tout à fait. Puis on a aussi, ça a été aussi un trip de matériaux. Là, on a décidé de pousser un peu la recherche autour du béton, puis de faire du moulage autour de ça. Donc, on a décidé de tapisser un mur avec nos mains en forme de thumbs up, moulé en béton. Et justement, vous dites, vous avez exploré le béton. Si on arrive justement avec Fait d'hiver à Place Jean-Cartier, là aussi, donc, si vous avez fait un faux monument avec comme s'il y avait une statue d'un personnage qui est tombé, comme s'il y avait eu du vandalisme, c'est en béton aussi. Ouais. C'est un matériau que vous aviez particulièrement envie d'explorer, justement, dans le lien avec les chantiers de construction. Pierre, peut-être? Oui, en fait, le béton, c'est la première fois qu'on travaille avec ce matériau-là. C'est... Il n'y a pas vraiment de raison, c'est ça. C'est plus ça servait le propos. Puis, écoute, on a exploré autour de ce matériau-là, de divers matériaux aussi, là, par la bande. Puis, Mais en fait, moi, une chose que j'ai remarquée, je reviens justement à Fait d'hiver. Là, vous avez érigé un monument. Il est en quoi, la pierre? C'est quoi, hein? La pierre, c'est un stratifié, là. C'est un matériau qui est utilisé fréquemment par les ébénistes. Okay. Donc, c'est une espèce de fausse roche. C'est du beau toc. De loin, ça avait vraiment l'air d'être du granit ou une pierre noble. Puis, je regardais ça, puis cette espèce d'énorme monument, d'énorme socle, donc qui me semblait en pierre noble, avec la statue qui, elle, est en béton, qui est tombée. Je trouvais que ça posait un contraste intéressant. Mm-hmm. Oui, effectivement, mais en même temps, quand on s'approche de la sculpture, on voit que justement c'est comme du toc, puis que c'est un peu improbable finalement aussi d'avoir une espèce de piédestal en roc massif comme ça. Il y a quelque chose d'un peu incongru là, dans tout ça. Là. Et j'ai envie de revenir sur le personnage qui est tombé par terre. Il n'y a pas de tête? Il y a un cône de circulation, il y a un petit chat dans la main. Il y a quelque chose de ludique quand même, d'assez prononcé. Oui, bien, on voulait qu'il y ait un petit côté ambigu, dans le fond, que ça soit pas clair tout de suite de qu'est-ce que c'est cette affaire-là. Quand on a élaboré le projet, on se posait un peu les questions. Bon, aujourd'hui, tu sais, qui mériterait d'être ici au rang de monument, ou c'est qui nos héros nationaux? Ben ouais. Qu'est-ce qui fait que tel événement ou telle personne a de l'importance à un moment de l'histoire? Puis, on trouvait ça vraiment trippant de se poser la question. Finalement, on n'y a pas trop répondu, tu sais, en faisant un homme d'âge adulte, même pas de tête. Générique, finalement. Ouais, c'est quelque chose de générique, d'anonyme. Justement, le chat, le cône, ça brouille un peu les pistes, mais en même temps, c'est comme des indices que finalement, il y a un canular, tu sais, il y a quelque chose de... Puis le cône aussi, dans le fond, ça vient de... Parce qu'en faisant des recherches autour du monument, on a vu des photos d'un monument qui se trouve à Édimbourg, c'est un cavalier. Puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui a mis un cône de circulation sur la tête du cavalier, puis... Il était toujours enlevé par les autorités. Puis finalement, il y avait toujours quelqu'un qui ramenait le cône. Puis ils ont finalement décidé que ce cavalier-là, il laisse le cône comme ça. Puis les gens vont visiter ce monument-là. Dorénavant, le cône fait partie de l'œuvre. C'est ça, il fait partie intégrante de l'œuvre. Quand même intéressant comme ouverture. Habituellement, c'est assez sacré, là, ces monuments-là. Oui, oui. Oui, puis même le fait du monument renversé aussi, tu sais, nous, c'est sûr qu'on se trouverait n'importe où ailleurs sur la planète, puis un monument renversé comme ça, ben on penserait à un soulèvement populaire ou à une idéologie qui est dépassée, puis bon, un bouleversement un peu d'ordre politique ou social. Mais ici, mis dans le contexte de parvis de la bibliothèque Gabriel Leroy, ben les gens pensent que c'est un accident ou qu'on l'a juste échappé ou que... Ouais. Ou qu'il y a eu du vandalisme. En fait, ce que j'ai trouvé fascinant, c'est que c'est comme si les gens se rappelaient pas, parce que bon, on m'a parlé, j'ai pas pu assister au vernissage, mais on m'a dit pendant le vernissage, Marie-Pierre, tantôt même tu me disais pendant l'installation, les gens sont désolés, oh mon Dieu, qu'est-ce qui est arrivé, etc. Ah oui, c'est vrai. Là, les gens se rappellent même pas qu'il y avait rien là, puis pourtant c'est gros là. Oui, c'est ça. Il n'y avait rien là, à l'endroit exact où ce qu'on a installé la sculpture. Mais en fait, il y avait aussi, il n'y a pas si longtemps, une sculpture de Jacques Cartier là, qui trônait tout près, là, finalement, là, mais... Oui, ouais, fait c'est ça, mais le lieu, il y a comme une plausibilité, tu sais, ça se pourrait qu'il y ait un monument, là, tu sais, une place publique comme ça, qui est dans un lieu central, puis qui est inexploité comme ça, tu sais, c'est... Ça appelait à avoir un monument. Fait que les gens y croient vraiment, même si c'est peu probable qu'un monument soit hissé comme ça du jour au lendemain, mais les gens y croient, en tout cas, d'après ce qu'on a vu, là, des réactions. Oui, oui, ça fonctionne. Ouais. Les gens embarquent, puis ils se font prendre au jeu, puis les réactions sont bonnes. Il y a comme un peu de tristesse, ou il y en a qui sont un peu choqués, mais en même temps, ça suscite des réactions, puis c'est ça qu'on voulait, tu sais, aussi que... Ça suscite que les gens, peut-être, soient interpellés par ça. Ouais. Bien, vous faites, en quelque sorte, vous faites comme un anti-monument, finalement, dans le sens où, tu sais, souvent, les monuments, on les voit, bon, il y a une belle statue d'un personnage politique important qui a été récupéré, probablement, pour une cause ou pour une autre. Ça fait partie, comme, du paysage. On les voit plus, là, dans le cas de votre installation. Ben c'est ça, c'est comme l'anti-monument parce qu'il y a des réactions quand même assez prononcées aussi, j'ai l'impression. Des discussions, des échanges. Ouais, ben c'est les clôtures, ben le fait que ça soit renversé évidemment, mais les clôtures aussi sont pour beaucoup. Puis c'est l'idée du chantier de construction qu'on parlait tantôt avec l'œuvre qui est à la maison Mel Bruno, c'était un peu ça aussi, tu sais, quand dès que tu construis, tu mets des clôtures puis tu décides d'intervenir dans un milieu urbain. Ça suscite des réactions, tu sais. Un chantier, c'est soit que c'est synonyme de revitalisation, ou dire, bon, il y a quelque chose qui va s'améliorer dans mon environnement, ou soit que ça va dégrader puis que ça fera pas mon affaire, mais c'est rare que tu passes à côté d'un chantier puis que tu es comme indifférent. Tu sais, tu te demandes qu'est-ce qui se passe là, qu'est-ce qui est arrivé, qu'est-ce qu'ils vont faire, puis le lieu se prête à ça aussi, tu sais. On sait pas trop qu'est-ce qui arrive avec cette place-là. Il y a comme un stationnement souterrain qui est en train de s'effondrer en dessous. Il parle de revitalisation de la bibliothèque, puis de peut-être restaurer le monument de Jacques Cartier. Fait que les gens savent pas trop ce qui se passe là. Ouais, ça stagne finalement. Ouais. Est-ce que c'est l'endroit qui est... Tu sais, comment est venue l'idée de ce projet-là? Parce que là, vous le faites en collaboration avec Ex Muro, dans le fond, donc activité satellite à la Manif. Est-ce que c'est Vincent Roy d'Ex Muro qui est venu vous voir, ou c'est vous, ou comment ça a commencé? Bien, on voulait faire une œuvre extérieure, puis un peu dans la même... on sortait, ça faisait plusieurs années quand même, on avait fait le projet clé en main, le petit bungalow qu'on avait construit sur Saint-Joseph. Fait qu'on était un peu dans cet esprit-là, mais en même temps, en voulant aller ailleurs. Puis par rapport au thème de la manif, bien, on a pensé, on avait le goût de faire un monument. Puis on a approché Vincent, il est embarqué dans le projet... Ex Muro, en fait, ouais. Est embarqué dans le projet, puis ça s'est fait comme ça. Le lieu était quand même, on l'a comme considéré, ce lieu-là, quand même, dès le départ, parce qu'on trouvait que c'était super, tu sais, une place publique, une agora, puis qu'il n'y a pas de monument, ou qu'il y en a eu un récemment qui a été enlevé. Fait que ça fonctionnait avec le projet. Puis le projet s'inscrit bien aussi. Tantôt, on a parlé un peu des clôtures. Moi, c'est quelque chose qui m'a marqué. Puis bon, l'idée du monument aussi, mais je trouve que ça rappelle les clôtures qu'il y a tout le temps à la place Jacques Cartier. Là, il y en a comme un peu partout. On n'est jamais trop sûr d'à quoi ça sert. Mm. Est-ce que vous avez pensé, ça peut être absurde comme question, mais avez-vous pensé votre modèle de clôture dans le but de fondre dans le décor? D'ailleurs, ils en ont rajouté. Le lendemain qu'on est venu poser là, ils en ont rajouté vraiment pas loin autour. Ouais. Mais non, c'est un peu drôle ça, les clôtures, parce que au début... ça faisait pas vraiment partie de l'œuvre, puis on s'imaginait le monument, puis ça a plus été des considérations de sécurité, puis de côté pratique, qu'on se disait, ouais, là, si on laisse notre monument comme ça, c'est sûr que on va être saccagé. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est, il est déjà comme assez, d'une certaine manière. Ouais. Mais finalement, on s'est comme fait à l'idée qu'il y aurait des clôtures, puis en y réfléchissant, finalement, on trouve que c'est vraiment... ça fonctionne super bien, puis là, ça fait vraiment partie de... Oui, ça prend tout son sens. Là, ils sont nécessaires, là, finalement, à l'œuvre. Là, ils servent très bien. Là. Ben oui, puis c'est, bon, c'est la fonction de protection, mais moi, comme je disais tantôt, je trouve que ça rappelle vraiment comme le lieu. Tantôt, Marie-Pierre te dit, on voulait travailler sur un monument En lien avec la thématique de la manif, qu'est-ce qui vous intéressait? Comme à la base, c'est les questions dont tu as parlé tout à l'heure. Qu'est-ce qui fait qu'on commémore une personne ou une autre? Comme forme d'art qui est dans un lieu public, tu sais, qui est... Puis c'est ça, les questions, qu'est-ce qui fait que... T'sais, au début, on voulait vraiment représenter quelqu'un, puis vraiment essayer de répondre à la question, ben c'est qui, tu sais, qui, mm-hmm. quel événement pourrait passer à l'histoire présentement, puis tu sais, avec les événements de la grève étudiante, tout ça, tu sais, bon, c'est quoi les, qu'est-ce qui se passe dans la société aujourd'hui, puis finalement, on a trouvé que la question était comme plus intéressante si on n'y répondait pas, puis si on invitait un peu les gens à se demander c'est qui, puis là, on a enlevé la tête. Avec le bon, qu'est-ce qui. Un petit côté ambigu qu'on aimait là-dedans. Voilà. Bien, Marie-Pierre Lebeau, merci. Pierre Brassard, merci beaucoup. Donc, merci. Vous êtes membre avec Vincent Hinz du collectif Acapulco. Fête d'hiver est présentée à la place Jolagoran, en fait, de la place Jacques-Cartier, jusqu'au 1er juin. Puis, Aspiration Lourdes, donc à l'Arc de Tramanville, à la maison Amel Bruneau, jusqu'au 15. Donc, voilà, l'invitation est lancée. C'est gratuit dans les deux cas. Donc, on y va en masse. C'est déjà l'heure de la fin de l'émission. Avant de terminer, plusieurs événements auxquels je veux vous inviter. Aujourd'hui, donc, à 14h, c'est l'atelier remise à l'échelle de la résistance, donc de Justin A. Langlois. C'est également dimanche à 14h. Lundi, soirée cinéma et engagement d'ici et d'ailleurs au Café Babylone, présenté par Antitube, c'est à 19h30. Vendredi prochain à 20h, Nous le Labo, donc un spectacle de poésie, musique et vidéo qui est présenté au Cercle. Puis, ben, manquez-nous pas, on est là la semaine prochaine, l'aérospatiale spéciale Manif d'art. Donc, j'en profite pour remercier Frédéric, le technicien de CKRL. Je remercie mes invités et mes collaborateurs. Puis, dans le fond, ben, je vous dis, restez sur les ondes de CKRL. Voilà, bonne journée à tous.